Chapitre 11e. Il alla s'allonger pour reprendre un peu ses esprits. Après tout, se dit-il, s'il avait été soldat comme Léopold, il aurait bien été forcé de tuer des hommes. De plus, il avait jusqu'ici infligé des morts douces, sans effusion de sang ni douleur. Il n'était pas le seul à commettre des meurtres en cette période trouble. Non, ce qui le gênait, c'est qu'il n'était pour rien dans l'arrêt de mort. Il agissait sur commande, tout comme un bourreau. Son malaise venait de là. Si au moins il avait eu un mobile, la vengeance, la haine par exemple. Ce Poliakov, après tout, avait une bonne tête. Il ne lui voulait aucun mal et sur le moment, il avait été content de pouvoir le soulager. Il avait rafraîchi les tempes dans un vieux réflexe altruiste et miséricordieux. Et pourtant, malgré toute cette nausée qui l'assaillait maintenant, il se souvenait qu'une minute après son geste, il se sentait heureux et fier de lui. Fier d'avoir fait le mal, il ne se connaissait pas sous ce jour-là. Il comprit également qu'en identifiant Crissier, un des membres du réseau, il avait franchi une nouvelle étape. Celle où il commençait à avoir des informations sur ses commanditaires. Un nom, une adresse, une preuve écrite, une description. Nul doute qu'il n'apprécierait guère la chose. Si on voulait continuer à le faire chanter, il avait désormais une monnaie d'échange. Le bon sens voulait qu'il progressât sur cette voie. Il le tenait, il devait les tenir à son tour. C'était le seul moyen d'arrêter ce cercle vicieux. Reprenant son habit de bon docteur Jekyll, il jeta un œil dans la salle d'attente. Trois patients attendaient patiemment, comme de juste. Le premier lui fit gentiment une remarque. « Dites donc, docteur, votre concierge va nous demander nos papiers, Ausweis et tout le toutim, si ça continue. Il faut l'excuser, c'est moi qui le lui ai demandé. Nous avons déploré ces derniers temps des intrus à l'intérieur même d'un appartement, alors vous comprenez ?»« Oui, c'est normal, » répondit l'homme. Voyant qu'il n'avait toujours pas d'autres clients, il prit son temps pour ausculter ses patients et discuter le boule gras avec eux. Madame Kübler eut droit à un entretien un peu plus long. Les privations commençaient à entamer une santé qu'elle avait pourtant solide. La famine touchait bien évidemment plus lourdement les vieillards et les enfants. Le dernier patient, une femme d'une trentaine d'années, était venue surtout pour savoir s'il ne connaissait pas une filière pour passer en zone libre. « Je n'ai pas de solution pour le moment, mais je vous conseille de tenter le tout pour le tout. Au pire, vous vous ferez refouler. »« Mais ce n'est pas pour moi, docteur, c'est pour mon fiancé qui est juif. » lui dit-elle en pleurs. Elle s'effondra quand Louis lui apprit que la manœuvre était d'autant plus risquée et qu'il fallait au moins des faux papiers qu'on ne pouvait trouver dans le premier bazar venu. Pour lui, il n'y a que les faux papiers, malheureusement. Mais Louis eut soudain des idées. Il fallait y réfléchir. Il ne pouvait se résoudre à ne rien essayer pour sauver le bonheur de cette fille. « Revenez me voir demain. J'aurais peut-être trouvé quelque chose. En attendant, ne parlez de rien, même à votre fiancée. » Avant de la laisser sortir, il retint sa main tout à coup intrigué. « Qui vous a dit que j'étais susceptible de vous faire passer en zone libre ?»« Oh, c'est une amie qui m'a parlé d'un docteur qui réussissait à faire passer des gens. Je sais que ce n'est pas gratuit, mais nous avons de quoi payer. » »« Il n'est pas question de payer quoi que ce soit. Je ne sais pas qui vous a raconté cela. Et d'un, je n'ai jamais fait passer qui que ce soit, et de deux, si je le fais ou si je le faisais, ce serait gratuitement, mademoiselle. Alors, soit vous vous trompez de personne, soit on vous a raconté n'importe quoi à mon sujet. Ai-je été clair ? Conclut-il d'un ton cassant. Oui, pardonnez-moi, docteur. C'est donc inutile que je revienne ? Si, revenez, mais pas d'argent, d'accord ? Sinon, je vous mettrai à la porte. Ce dernier entretien laissa Louis perplexe, selon l'adage qu'il n'y avait jamais de fumée sans feu. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Voilà maintenant que je suis un passeur, en plus d'être un tueur, marmonna-t-il. Quelques minutes plus tard, vers 18h, Marcel gratta à sa porte. « Voilà, patron, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai contrôlé les entrées et les sorties. À part vos clients, dont la dernière, Madame Kübler, vient de partir, deux hommes sont venus ensemble pour Mademoiselle Delabarre, d'un âge mûr et l'autre assez jeune. Le plus vieux est ressorti, mais pas le jeune. Vous croyez qu'elle s'envoie en l'air avec un étalon frais ? Fit-il en gloussant. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en passant ?» Cours de piano avec Mademoiselle Delabarre, c'est tout. Ça mérite d'être vérifié. Mais tu m'as dit que Madame Kübler venait de partir. Or, elle est sortie de mon cabinet il y a plus d'une demi-heure. Où était-elle pendant tout ce temps? Ça aussi, ça doit être tiré au clair. Enfin, continue à monter la garde. Au fait, si le gamin vient, Surtout, ne le laisse pas s'échapper. Je veux en savoir un peu plus sur son compte. » Louis allait remonter quand il se ravisa. « Dis-moi, c'est toi qui as fait courir le bruit que je faisais passer des gens en zone libre ?»« Hein, une nouvelle activité, patron ? Vous arrondissez les fins de mois ?»« Arrête de te foutre de moi !» Il répond. « Mais non, vous savez bien que non. Et puis, sans vous offenser, je vous vois mal courir dans l'ombre sur les routes remorquant des Juifs. »« Et les meilleurs ?» s'offusqua Louis. « C'est pas la même chose. Ça, disons que c'est la manière douce. Et puis, vous ne faites pas ça tous les jours. » Louis remonta chez lui très perplexe. Il en était là de ses cogitations quand il entendit Léopold et Hans monter l'escalier. Il sortit de son cabinet et les attendit en haut des marches. Tout de suite, il vit qu'à sa vue, le front de Léopold s'était plissé. Hans lui lança un regard contrit signifiant « Je suis désolé. Il a bien fallu que je le lui dise. » « Nous avons à parler, Louis, » déclara Léopold sans embâge. « C'est pour cela que je t'attendais, » répondit Louis. « Entre. Je vais t'offrir à boire. Après, je ne sais pas si j'en aurai encore envie. » Entré dans la salle à manger, Léopold posa la valisette sur la table d'un geste brusque et haussa le ton. « Tu peux me dire ce que c'est que ça ? J'espère que ce n'est pas à toi. Je vais t'expliquer. » Louis fut donc obligé de raconter son histoire depuis les soins prodigués au concierge dénonciatrice. À ce passage, Léopold, qui écoutait jusque-là calmement, bondit sur ses pieds et s'oublia à parler allemand. « Scheiße, du bist verrückt geworden. Merde, tu es devenu fou. »« Ben non, » répondit Louis. « J'étais en pleine possession de mes moyens, justement, et c'est ça qui m'inquiète. » Il continua son récit par le contact avec les faux policiers, le contrat passé avec eux, l'hébergement débauchant, l'avertissement secret de contrôle de police et l'obligation de planquer le poste émetteur. Il s'arrêta à cet épisode, réservant pour plus tard le meurtre de Poliakov qui risquait de faire attraper une attaque à Léopold. « Mais enfin, Louis, qu'est-ce qui t'a pris ? Je te connais depuis tout petit. Si un autre que toi m'avait raconté ça, je me serais fait couper la tête plutôt que d'y croire. » « Oui, je sais. Mais le pire, c'est que je ne regrette rien, et je n'ai pas de remords. Est-ce que tu te rends compte qu'avec ce poste émetteur dans l'immeuble, nous risquons tous la mort ? Moi, je serai fusillé comme traître, et vous autres, vous finirez à Dachau ou Buchenwald. Tu n'as jamais croisé des camions munis d'une cage en fer qui tourne à l'arrière ? Des camions goniaux, qui recherchent la direction d'émission d'une onde. Si jamais l'un d'eux passait dans le quartier au moment d'une émission, « nous sommes faits comme des rats, tu es inconscient ?»« Mais non, justement, je fais cela pour nous préserver de ces fumiers qui m'ont menacé de nous dénoncer tous, toi y compris. Moi, je voulais bien entrer en résistance, mais pas dans ces conditions. Et moi, tu t'es demandé si je voulais y entrer, hein, dis ?» Pendant un instant, le silence régna entre les deux hommes, chacun mesurant les propos de l'autre. Puis Léopold en redevient pragmatique. Il est évident qu'ils ont une taupe dans la Gestapo ou la police. Ça ne plaide pas en leur faveur. Ce sont des magouilleurs, ces mecs-là. À moins qu'ils ne soient des espions à la solde des SS qui attendent l'heure de mettre la main sur tout un réseau. Il faut en savoir plus long sur eux. C'est bien mon avis, Léo. Voyant que son ami avait digéré le début des aveux, Louis se dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il lui glissa la deuxième lettre, celle de la commande du crime de Poliakov. Léopold en prit connaissance. Après avoir lu le passage relatif à la descente de la Gestapo, il releva la tête. « Tu vois, c'est sûr, ils ont une taupe dans la Gestapo ou dans la police. On va s'en occuper. » Il continua et s'arrêta de nouveau au signalement de Poliakov. « Pas question de faire ce qu'il demande, » dit Léopold d'un ton péremptoire. « Je l'ai fait, » osa dire Louis. « Quoi ? Tu veux dire que tu as tué ce gars que tu ne connaissais même pas ? Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. » « Si, » répondit Louis d'un ton neutre. « Mais pourquoi tu es devenu complètement dingue ? Et comment tu l'as liquidé, je peux savoir ?» Louis lui expliqua le modus operandi et ses conséquences pour le processus vital de la victime. Léopold se leva si brusquement qu'il en fit tomber sa chaise. « Louis, tu as foutu partir une amitié vieille de plus de 30 ans. Ah, tu peux en être fier !»« Mais Léopold, essaie de me comprendre. Je ne voulais pas mettre en péril la vie des miens, la tienne. Je pense me battre à ma façon. »« Pah ! Tu ne sais même pas pour qui tu te bats, ni pourquoi. » Tu ne fais pas preuve de courage, comme un soldat. Tu agis dans l'ombre, comme un serpent. Tu prends tes victimes sournoisement, lâchement. Je n'aurais jamais pensé que tu me déçoives à ce point. Tu te bats, comme tu dis, parce que tu as la trouille. Si tu avais vraiment du courage, tu assumerais tes actes et tu ferais front, quoi qu'il advienne. Et les autres, Les autres, tu pouvais les préserver autrement qu'en acceptant d'être l'esclave de ces types. On aurait pu, si tu m'en avais parlé tout de suite, mettre Odette et David à l'abri. Et Meyer, et les faux papiers. Les faux papiers, ça n'était pas un problème. Et Meyer pouvait très bien rester seul avec sa femme dans l'appartement. Au lieu de ça, tu vois dans quelle merde tu nous as mis. Louis était effondré. Il attendait de Léopold un soutien, une issue à l'impasse dans laquelle il était, alors que son ami l'enterrait littéralement. Il cacha son visage de ses mains et garda le silence. Un silence long, lourd, intolérable pour l'un comme pour l'autre. Comme tout cyclotimique, Louis avait des hauts et des bas, mais plus bas il tombait, plus haut il remontait. Il se dressa et posa les deux mains à plat sur la table, comme un avocat prêt pour sa plaidoirie. Il regarda Léo droit dans les yeux et attaqua. « Je trouve que tu y vas un peu fort, Léo. Tout le monde ne peut pas se battre à coups de canon ou de mitrailleuse. Et puis tu n'as pas de leçons à me donner. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, toi, que d'obéir à des ordres qui sont contraires à ta morale, à ton éducation, à la mémoire de tes parents? De quel courage te fait preuve, à part celui de ne pas avoir foutu le camp, au lieu de rester dans l'armée? Je ne te l'ai jamais reproché. Alors s'il te plaît, mets en veilleuse. Merci bien. Les faux papiers, qu'est-ce que tu attendais pour m'en proposer, puisqu'apparemment c'était si facile pour toi d'en avoir? Ah, on aurait été beau, si on ne m'avait pas prévenu de ces descentes de police. Tu savais quelque chose, toi? Non, rien. Alors je t'en prie, ne va pas me faire un fromage parce que j'ai supprimé un nuisible qui de toute façon était pourri jusqu'à la moelle. » Léo garda le silence pendant que Louis savourait l'effet de sa diatribe. Puis il se rapprocha de son ami et reprit la parole. « Tu te souviens du bénitier, quand on avait pissé dedans et qu'on regardait les vieilles qui s'aspergeaient la figure ?» Louis eut un sourire juste des commissures des lèvres. Le fluide passait doucement. « Et quand on a fait cavaler la chèvre du père Schroeder en lui mettant un pétard dans les fesses ?» reprit Louis. « Qu'est-ce qu'on était con, mais qu'est-ce qu'on se marrait ?»« Ça fait combien de temps que ça ne nous est pas arrivé ?»« Maintenant on s'engueule, on est malheureux. »« C'est la guerre, et on ne mesure pas la chance que nous avons d'être ensemble. » « Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit, Louis. Arrête, c'est moi qui étais dur avec toi. Allez, embrasse-moi, sale boche. Il faut que j'en sache un peu plus long sur tout ce qui se passe dans la maison, » dit-il en prenant le poste émetteur. En sortant, il monta au deuxième et se fit ouvrir chez les Beauchamp. Ce fut René qui lui ouvrit, claudiquant sur une patte. « Voilà votre piano, » dit Louis, « et je ne vous conseille pas de l'utiliser longtemps ici parce qu'ils finiront par vous repérer avec leur goniot. » En redescendant, il croisa Kernan, le locataire dans l'appartement duquel la Gestapo avait arrêté un homme. Bien que Kernan eût l'air pressé et préoccupé, Louis le fit pénétrer dans son cabinet. « Nous avons à parler tous les deux, monsieur Kernan. »« Oui, je sais ce que vous allez me demander. Je n'irai pas par quatre chemins. L'homme qui se cachait chez moi est un ami. En fait, c'est un frère qui est recherché par la Gestapo. Je devrais dire qui était recherché, puisqu'il s'est fait prendre. » Il s'appelle donc Kernan puisque c'est votre frère. Or, ils l'ont embarqué parce qu'il n'avait pas de papier sur lui. C'est exprès qu'il n'avait pas de papier, pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Il était recherché par ses noms et prénoms. Sans papier, on ne sait pas qui il est, tant qu'il n'avouera pas son identité. Et puis, vous vous méprenez sur le sens du mot frère. Je suis franc-maçon et il fait partie de ma loge. De sorte que vous aussi, vous devez être recherché. Pas encore. Il nous arrête sur dénonciation. Pour l'instant, ils n'ont pas de fichier, mais ce n'est qu'une question de mois ou de jours. Je vais devoir vous quitter, monsieur Fogel, bien à regret. Eh ben, pensa Louis, des juifs, un franc-maçon, du marché noir, un radio-émetteur, des résistants, un assassin. Vraiment, la maison est au complet. Ah, pépé pétain, si tu voyais ça!